Le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a publié le 30 mars un mémorandum titré « Les immortels exploits du dirigeant suprême Kim Jong-un qui a élevé la dignité et le prestige de notre République au niveau suprême à l'aide de la grande ligne de promotion parallèle brilleront à jamais dans l'histoire ». Le mémorandum explique que le dirigeant suprême a présenté lors de la session plénière de mars 2013 du Comité central du Parti du Travail de Corée la nouvelle ligne stratégique consistant à promouvoir simultanément l'édification économique et le développement des armements nucléaires, conformément à la situation créée et à la demande légitime du développement de notre révolution, et qu'il a jeté les fondements éternels pour l'achèvement final de la cause de Tse, en suivant les recommandations du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il en matière de développement simultané de l'économie et des forces nucléaires. Le dossier indique que nos militaires et civils maintiendront plus fermement la ligne de la promotion parallèle suivant la sage direction du dirigeant suprême, développeront davantage les armements nucléaires haute défensifs vitaux pour notre nation et trésor national de la Corée réunifiée, et progresseront dynamiquement vers le sommet de la puissance avec la force, l'esprit et la vitesse propres à la Corée.